Tiré de Poèmes barbares de Charles-Marie René, le Comte de Lille, les éditions de l'Avenir présentent La vigne de Naboth. 1. Au fond de sa demeure, Achab, l'œil sombre et dur, sur sa couche d'ivoire et de bois de Syrie, gît, muet et le front tourné contre le mur. Sans manger ni dormir, le roi de Samarie reste là, plein d'ennui, comme, en un jour d'été, le voyageur courbé sur la source tarie. Achab a soif du vin de son iniquité et conjure en son cœur que travaille la haine, la vache de Bethel et l'idole Astarté. Il songe. Suis-je un roi si ma colère est vaine? Par Baal, j'ai chassé trois fois les cavaliers de Ben-Hadad de Tyr au travers de la plaine. J'ai vu ceux de Damas s'en venir par milliers, le sac aux reins, la corde au cou, dans la poussière, semblable aux chameaux devant les chameliers. J'ai d'un signe en leur gorge étouffé la prière, l'écume de leur sang a rougi les hauts lieux, et j'ai nourri mes chiens de leur graisse guerrière. Mes prophètes sont très savants, et j'ai trois dieux très puissants pour garder mon royaume et ma ville, et ployer sous le joug mon peuple injurieux. Et voici que ma gloire est une cendre vile, et mon sceptre un roseau des marais, qui seront, au rire insulteur de la foule servile. C'est le fort de Juda qui m'a fait cet affront, parce que j'ai dressé sous le noir térébinthe l'image de Baal, une escarboucle au front. Deux fois teint d'écarlate et vêtu d'hyacinthe, comme un soleil, le dieu reluit, rouge et doré, sur le socle de jaspe au milieu de l'enceinte. Mais s'il ne m'a vengé demain, j'abolirai son culte et l'on verra se dresser à sa place le veau d'or d'Éphraïm sur l'autel adoré. Un désir impuissant me consume et m'enlace. Sur la corne du bœuf, sous le pied de l'ânon, je suis comme un lion mort qu'on outrage en face. Quand j'ai dit « Je le veux », un homme m'a dit « Non ». Il vit encore, sans peur que le glaive le touche. La honte est dans mon cœur, l'opprobre est sur mon nom. Tel, le fils de Amri se ronge sur sa couche. Ses cheveux dénoués pendent confusément et sa dent furieuse a fait saigner sa bouche. Auprès du morne roi paraît en ce moment la fille d'Eth-Baal, la femme aux noires tresses de Sidon, grande et belle et qu'il aime ardemment. Astarté l'a bercée au bras de ses prêtresses. Elle sait obscurcir la lune et le soleil et courber les lions au joug de ses caresses. De ses yeux sombres sont les fluves du sommeil et ceux qu'a terrassé une mort violente s'agitent à sa voix dans la nuit sans réveil. Elle approche du lit, majestueuse et lente, regarde et dit « Qu'a donc mon Seigneur? Et quel mal dompte le cèdre altit comme une faible plante? A-t-il vu quel sceptre envoyé par Baal? Le jour tombe, que mon Seigneur se lève et mange. Parle, ô chef! Quel ennui trouble ton cœur royal! » Achab lui dit, « Ô femme, il faut que je me venge. Je ne puis dormir, ni boire, ni manger, que le sang de Naboth n'ait fumé dans la fange. Sa vigne est très fertile et touche à mon verger. Or, j'ai dit à cet homme au seuil de sa demeure, « Ceci me plaît, veux-tu le vendre ou l'échanger? » Il m'a dit, « C'est mon champ paternel. Que je meure, le voudrais-tu payer par grain un shekel d'or? Si je le vends jamais, fût-ce à ma dernière heure. Quand tu me donnerais la plaine de Fogor, Ramoth en Galaad, Séhir et Ludumé, et ta maison d'ivoire et ton riche trésor, ô roi, je garderai ma vigne bien-aimée. » C'est ainsi qu'a parlé Naboth le vigneron, tranquille sur le seuil de sa porte enfumée. « Certes, ce peuple, Achab, par le dieu d'Acharon, dit Jézébel, jouit malgré son insolence, d'un roi très patient, très docile et très bon. Que ne le frappais-tu du glaive ou de la lance? L'onagre est fort et tif s'il ne courbe les reins. Qui cède au dromadaire et croit sa violence? C'est le jaloux, le fort de Juda que je crains, dit Achab. C'est le dieu de Naboth et d'Élie. Du peuple furieux, il briserait les freins. Je verrais s'écrouler ma fortune avilie et serais comme un bœuf qui mugit sur l'autel pendant que le couteau s'aiguise et qu'on le lit. Non, j'attendrai. Les dieux de Dan et de Bethel accorderont sans doute à qui soutient leur cause de tuer sûrement Naboth de Jisréel. Lève-toi donc et mange, ô chef, et te repose, dit la Sidonienne avec un rire amer. Moi seul je ferai ce que mon seigneur n'ose. Demain, quand le soleil s'en ira vers la mer, sans que ta main royale ait touché cet esclave, j'atteste qu'il mourra sur le monde sommaire. Et l'homme de Thébé pourra baver sa bave et hurler du Carmel à l'Horeb comme un chien affamé qui s'enfuit aussitôt qu'on le brave. Mon seigneur lui dira « Qu'ai-je fait, sinon rien? A-t-on trouvé ma main dans ce meurtre ou mon signe ?» Akab, en souriant, dit « Ô femme, c'est bien. J'aurai le sang de l'homme et le vin de sa vigne. » 2. Vers l'heure où le soleil allume au noir Liban, comme autant de flambeaux les cèdres par les rampes, les anciens sont assis hors des murs sur un banc. Ce sont trois beaux vieillards, avec de larges tempes, de grands fronts, des nez d'aigle et des yeux vifs et doux qui, sous l'épais sourcil, luisent comme des lampes. Dans leur robe de lin, la main sur les genoux, ils siègent, les pieds nus dans la fraîcheur des sables, à l'ombre des figuiers, loupant de les fruits roux. La myrrhe a parfumé leur barbe vénérable, et leurs longs cheveux blancs sur l'épaule et le dos s'épandent aux flocons de la neige semblable. Mais leur cœur est plus noir que le sépulcre clos. Leur cœur, comme la tombe, est plein de cendres mortes. L'avarice a séché la moelle de leurs os. Vils instruments soumis à la main la plus forte, il faut la prix d'or l'équité sainte aux pieds, sachant ce que le sang des malheureux rapporte. Naboth est devant eux, debout, les bras liés, comme pour l'Holocauste un bouc, noire victime par qui les vieux péchés de tous sont expiés. Deux fils de Bélial, d'une voix unanime, disent « Voici, cet homme est vraiment criminel, qu'il saigne du blasphème et qu'il meure du crime. Or, il a blasphémé le nom de l'Éternel. » Naboth dit « L'Éternel m'entend et me regarde. Je suis par devant lui, n'ayant rien fait de tel. J'atteste le Très-Haut et me fie en sa garde. Ceci monte. Craignez, père, de mal juger, car Dieu juge à son tour qu'il se hâte ou qu'il tarde. Voyez, ai-je fermé ma porte à l'étranger? Ai-je tari le puits du pauvre pour mon fleuve? L'orphelin faible et nu, m'a-t-on vu l'outrager? Qu'ils se lèvent ceux-là qui m'ont mis à l'épreuve. Qu'ils disent, nous avions soif et nous avions faim, l'étranger, l'orphelin et le pauvre et la veuve. Naboth, le vigneron n'a point ouvert sa main, Naboth de Jisréel, héritant notre plaie, sous l'œil des affamés a mangé tout son pain. Nul ne dira cela, si sa parole est vraie. Or, qui peut blasphémer étant pur devant Dieu? Séparez le bon grain, mes pères, de l'ivraie. Remettez d'un sens droit toute chose en son lieu. Si je mens, que le ciel s'entr'ouvre et me dévore, que l'exterminateur me brûle de son feu. Le plus vieux des anciens dit « Il blasphème encore! Allez, lapidez-le, car il parle très mal, n'étant plein que devant, comme une outre sonore. » Or, non loin des figuiers, les fils de Bélial frappent le vigneron avec de lourdes pierres. La cervelle et le sang souillent ce lieu fatal. Et Naboth rend l'esprit. Les bêtes carnassières viendront la nuit hurler sur le corps encore chaud, et les oiseaux plonger leur bec dans ses paupières. En ce temps, Jézabel, attentive au plus haut du palais, dit au roi, « Seigneur, la chose est faite. Naboth est mort. Ô chef, monte en ton chariot. Au son victorieux des cymbales de fête, viens visiter ta vigne, ô royal vigneron. » Et du sombre palais, tous deux quittent le fête. Ils vont. Et la trompette éclate, et le clairon, et le sistre, et la harpe, et le tambour. La foule s'ouvre sur le poitrail des chevaux de Sidon. Le chariot de cèdre, au moyen d'argent, roule, et le peuple, saisi de peur, s'est prosterné au passage du couple abhorré qui le foule. Mais voici, sur le seuil du juste assassiné, croisant ses bras velus sur sa large poitrine, se dresse un grand vieillard, farouche et décharné. Son crâne est comme un roc couvert d'herbes marines. Une sueur écume à ses cheveux pendants et le poil se hérisse autour de sa narine. Du fond de ses yeux creux flambent des feux ardents. D'un orteil convulsif, comme un lion sauvage, il fouille la poussière et fait grincer ses dents. Sur le cuir corrodé de son âpre visage, on lit qu'il a toujours marché, toujours souffert, toujours vécu, plus fort au sein du même orage. Qu'il a dormi sans nuit dans l'antre noir ouvert aux gorges de l'Horeb. Auprès des puits sans onde, qu'il a hurlé de soif dans le feu du désert. Et qu'en ce siècle impur, en qui le mal abonde, son maître a flagellé d'un fouet étincelant et poussé sur les rois sa course vagabonde. Or, les chevaux, soudain, se cabrent, reculent d'horreur devant ce spectre. Ils courent, haut la tête, ivres, mâchant le mort et l'épouvante au flanc. Arbres, buissons, enclos, rocs, rien ne les arrête. Ils courent comme un vol des démons de la nuit, comme un champ d'épis mûrs fauché par la tempête. Tels, dans un tourbillon de poussière et de bruit, malgré les cavaliers pleins d'une clameur vaine, le cortilège effaré se disperse et s'enfuit. L'attelage, ébranlant le chariot qu'il traîne, se couche, les naseaux dans le sable, et le roi sent tournoyer sa tête et se glacer sa veine. Lentement, il se relève et, tout blême d'effroi, regarde ce vieillard sombre que nul n'oublie, immobile, appuyé contre l'humble paroi. Akab, avec un grand frisson, dit « C'est Élie. » 3. Alors, comme un torrent fougueux, des monts tombés, qui roule flot sur flot son bruit et sa colère, voici ce qu'a ce roi, dit l'homme de Thébé. Malheur! L'aigle a crié de joie au bord de l'air. Il aiguise son bec, sachant qu'un juste est mort. Le chien montre les dents, hurle dans l'ombre et flaire. Malheur! L'aigle affamé déchire et le chien mort, car la pierre du meurtre est toute rouge et fume. Donc le Seigneur m'a dit, « Va, je suis le Dieu fort. » Je me lève dans la fureur qui me consume. Le monde est sous mes pieds, la foudre est dans mes yeux, la lune et le soleil nagent dans mon écume. « Va, » dit au meurtrier qu'il appelle ses dieux à l'aide, car je suis debout sur les nuées, et la vapeur du crime enveloppe les cieux. Dis-lui, « Malheur au chef des 10 prostituées, Akab, fils d'Amri, le fourbe et le voleur. Les vengeances d'en haut s'en sont toutes ruées. À toi qui fais du sceptre un assommoir, malheur. Auprès de la fournaise ardente où tu trébuches, le four chauffé 7 fois est sombre et sans chaleur. L'ours plein de ruses est pris dans ses propres embûches, et le vautour s'étrangle avec l'os avalé, et le frelon s'étouffe avec le miel des ruches. Tu songeais? Tout est bien, car je n'ai point parlé. Allons, Naboth est mort, sa vigne est mon partage. Le dieu d'Élie est sourd, le fort est aveuglé. Qui dira que ce meurtre inique est mon ouvrage? Le lion de Juda rugit et te répond, le Seigneur t'attendait au seuil de l'héritage. Ô renard, ô voleur, voici qu'au premier bond, il te prend, te saisit à la gorge et se joue de ta peur, l'œil planté dans ta chair qui se fond. Vermine d'Israël, le Dieu fort te secoue, des haillons de ce peuple, et les petits-enfants te verront te débattre et grouiller dans la boue. Le Seigneur dit, je suis l'effroi des triomphants, je suis le frein d'acier qui brise la mâchoire des courroucés, mangeur de biches et de fang. Je fracasse leurs chars, je souffle sur leur gloire, ils sont tous devant moi comme un sable mouvant, et j'enfouis leur nom perdu dans la nuit noire. Donc, le sang de Naboth crie en vous poursuivant, Akab de Samarie, et toi, ville idolâtre, le spectre de Naboth sanglote dans le vent. Dans le puits du désert où filtre l'eau saumâtre, entre vos murs de cèdre et sous l'épais figuier, dans les clameurs de fête et dans les bruits de l'âtre, dans le hennissement de l'étalon guerrier, dans la chanson du coq et de la tourterelle, Akab et Jézabel, vous l'entendrez crier. Naboth est mort. Les chiens mangeront la cervelle du couple abominable en son crime têtu. Ma fureur fauchera cette race infidèle. Comme un bon bossonneur, de vigueur revêtu, qui tranche à tour de bras les épis par centaines, je ferai le sol ras jusqu'au moindre fétu. Dis-leur, voici le jour des sanglots et des haines, où l'exécration se gonfle, monte et bout, et, comme un vin nouveau, jaillit des cuves pleines. Car je suis plein de rage, et j'écraserai tout. Et l'on verra le sang des rois, tel qu'une eau sale, déborder des toits plats et rentrer dans l'égout. Va, Saint-Airain, Akab, excite ta cavale, fuis, comme l'épervier, vers les bords libyens, enfonce-toi vivant dans la nuit sépulcrale. Tu ne sortiras pas, ô roi, de mes liens, et je châtirai dans ta chair et ta race, ô vipère, ô chacal, fils et père de chien. Akab, poussant un cri d'angoisse par l'espace, dit « J'ai péché, ma vie est un fumier bourdeux. » Il déchire sa robe et se meurtrit la face. De fange et de gravier, il souille ses cheveux, disant « Gloire au très fort de Judas, qu'il s'apaise. Sur l'autel du jaloux, j'égorgerai sans bœuf. Que suis-je sans lumière, un fétu sur la braise? La roussée au soleil est moins prompte à sécher. Moins vil le bois mort flambe dans la fournaise. Je suis comme le daim, au guet sous le rocher, qui gêne de peur, palpite et dans l'herbe s'enfonce parce qu'il sent venir la flèche de l'acier. Mais, par le très puissant que l'épouvante annonce, je briserai le veau de Bethel, je promets d'ensevelir Baal sur les pierres et la ronce. » L'homme de Thébé dit, « Ô fourbe, désormais tu ne renieras plus la clameur de tes crimes. Ils ont rugi trop haut pour se taire jamais. Comme un nuage noir qui gronde sur les cimes, voici venir pour la curie, ô roi sanglant, la meute aux crocs aigus que fouettent tes victimes. Va, crie et pleure, attache un cilice à ton flanc, brise sur les hauts lieux l'idole qui flamboie, les vengeurs de Naboth arrivent en hurlant. Ouvre l'œil et l'oreille. » Ils bondissent de joie, ayant vu dans la vigne Akab et Jézabel, et de l'ongle et des dents se partagent leur proie. Or, ayant dit ça, l'homme de l'Éternel, renouant sur ses reins sa robe de poils rudes, par les sentiers pierreux qui mènent au Carmel, s'éloigne dans la nuit et dans la solitude.